J'ai jamais peur de déplaire aux autres. Pourquoi je m'amuse pas comme les autres? Comme Verratti, je garde mon ballon et ça fait flipper tous mes coachs. J'ai confiance en ce que je dessine. Ça s'est montré plus efficace que beaucoup de remèdes de médecine. Mais certains restent lourds et ça monte mes cils. Au point que j'hésite à rapper en langage des signes. Mes colocs perdus me demandent si c'est en Lingala ou Wolof. Prends mon kiff à faire des choses qui paraissent étonnantes. Je m'en fous d'être seul à n'avoir jamais joué à Call of. Voilà, Wong, nouvelle hip hop. Nouveau jeans, nouveau micro, nouvelle anti-pop. Nouveau time, pas à l'heure de ta casio. J'suis dans l'art abstrait, appelez-moi Picasso. Casso, baby. Hétéro, il faut pas me faire chute. J'suis pas un robot contrôlé par vos sciences occultes. Commandez-la, j'la ramène juste. J'irai s'il le faut en prison le jour où ils décideront de nous mettre une puce. Ça barde dans mes récits. D'un coup, je vois des nouveaux faciès par ici. Tout le monde veut sa part et j'envoie les signes. Ça m'étonne pas, c'est que le gâteau est réussi. Pourquoi maman m'a fait si différent? Pourquoi maman m'a fait si différent? Sans explicite lyrics. La nocturne. Yeah. Excusez-nous mon adresse, mais qu'on en atteint la barbesse. Yeah. Excusez-nous mon adresse, yeah. Excusez-nous mon adresse. À ce qui paraît, les sports fait vivre, mais la vie elle est pas tuy grave. Combien faut-il d'un ethnic pour un mois de salaire à Ibra? Cette belle sirène qui t'aguiche quand elle renifle que tu brasses. Près la pute, tu vas faire la riche. Une petite semaine à Dubaï. Yeah. Tous ces risques que tu prends pour claquer tout le bif que tu grattes. C'est quand y'a pas de pécule que tu penses face à la gamelle que tu grailles. Faut esquiver les matraques, pas être la proie dans un corps baltrape. Quand tu dépasses un problème, y'en a toujours un qui te rattrape. Toute bouteille de Jack à ta table, fais-toi plumer comme un Hatay. Tous les bails que t'as barbé, tu les rembourses avec une rafale. On veut tous s'en sortir, on veut tous trouver la faille. On veut tous récolter du blé, car personne veut être sur la paille. C'est pas du crunk, c'est du crack. C'est pas du propre, c'est du crâne. Enfoiré, tu nous vois pas venir comme une putain d'embuscade. On s'en bat les couilles de ton swag. On pratique le son des squats. Des mecs qui traînent dans les squats. Qui se lèvent pour viser les squats. Yeah. Excusez nos maladresses. On a la dalle à barbesse. Personne ne rêve d'avoir des finances qui ressemblent à la Grèce. Envie de me casser d'ici. Prendre cette chaîne de vie par les tresses. On compte pas sur les coups de chat. On s'en tape des vendredis 13. Ils veulent boycotter le 18. Boycotter le 18. Ils veulent boycotter le 18. Boycotter le 18. Ils veulent boycotter le 18, yeah. Boycotter le 18, yeah. Moi aussi je vais mettre mon biscuit. On attendra pas qu'ils disent oui. Passe pas mon temps à kicker. C'est pas le rap qui paie mais qui danse. C'est pas le cul sur le canapé qu'on va prétendre à la vivance. Conditionné depuis l'enfance, quotidien d'arabe bouche en France. Y'a pas que chez le boulanger que ça découpe les pains en tranches. Découpe les qui dérange, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des hanches. Yo cousin te gratte pas les veines, même si je sais que ça te démange. Je veux pas finir dans les ronces. Pour les poucaves, zéro tolérance. Fils de pute, on sera tranquille. Quand t'auras l'héros, tu l'enhances. Nique sa mère la tendance. Mon rap ne porte pas de costume. Barbès clandé, il sa pose dur. Et s'en tape d'un succès posthume. On se met pas à quatre pattes pour sortir d'une mauvaise posture. Sache qu'on encule pas la France avec une paire de fausses burnes. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les coups de flasque remplacent les coups de pouce. Tout le monde essaie de manger sa part, oubliant la base d'un couscous. Derrière Watt, tu traînes tes péchés. Comme un chauffeur de pouce-pouce. Les lascars sont capables du pire pour mettre sur la table un bout de troupe. Excusez nos maladresses. On a la dalle à barbesse. Personne ne rêve d'avoir des finances qui ressemblent à la Grèce. Envie de me casser d'ici. Prendre cette chaîne de vie par les tresses. On compte pas sur les coups de chat. On s'en tape des vendredis 13. Ils veulent boycotter le 18, yeah. Boycotter le 18, yeah. Ils veulent boycotter le 18. Boycotter le 18. Ils veulent boycotter le 18, yeah. Boycotter le 18, yeah. Moi aussi je vais mettre mon biscuit. On n'attendra pas qu'ils disent oui. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les coups de flasque remplacent les coups de pouce. Tout le monde essaie de manger sa part, oubliant la base d'un couscous. Derrière Watt, tu traînes tes péchés.